soufflé aujourd'hui pour vous annoncer un temps sec. En effet, la pluie a quitté le pays cette nuit et on se retrouve avec du soleil déjà, plutôt sur le sud, les éclaircies sur le centre, ça va s'élargir. Et dans le courant de l'après-midi, ce sera l'inverse. Le ciel va commencer à se couvrir par le littoral, mais les prochaines pluies qui vont tomber, ce sera pour la nuit prochaine à partir de la côte. Donc aujourd'hui, journée au sec avec un vent modéré, hein, ça va peut-être vous surprendre, de secteur sud-ouest et des températures attendues de 17 à 21 degrés. Demain, changement de décor, on retrouve malheureusement la grisaille, les fines pluies et bruines, température inchangée malgré tout. Et pour vendredi, eh bien, on parlera d'averses, surtout en deuxième partie de journée. Et puis le week-end sera plus calme, mais un peu plus frais. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, la Turquie à nouveau touchée par un attentat. Trois kamikazes se sont fait exploser à l'aéroport Atatürk d'Istanbul. Bilan 36 morts, près de 150 blessés. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les autorités pointent déjà le groupe terroriste État islamique. Le Roundup restera dans les rayons des magasins de jardinage. La Commission européenne autorise la vente du glyphosate, le désherbant le plus utilisé dans le monde, pour 18 mois supplémentaires. Les associations environnementales regrettent cette décision. C'est une période aussi de 18 mois pendant laquelle aussi bien la population que l'environnement vont continuer à être exposés aux effets nocifs du glyphosate. Elles sont plus charnues que les années précédentes. La saison des moules de Zélande s'ouvre aujourd'hui. Les producteurs sont toutefois inquiets à cause d'une toxine. Alors pas de panique, les moules contaminées sont écartées, mais les producteurs craignent pour leur réputation. En football, nous prendrons des nouvelles de nos diables rouges et des petits bobos. Hazard n'a pas participé à l'entraînement hier, mais il devrait jouer vendredi. La Turquie est donc à nouveau touchée par un attentat. Un attentat qui rappelle celui du 22 mars à Zaventem. Trois kamikazes se sont fait exploser à l'aéroport international Atatürk d'Istanbul hier soir. Bilan 36 morts, 147 personnes blessées, certaines grièvement. Selon les autorités turques, il y a des victimes étrangères. On ne sait pour le moment pas s'il y a des Belges. Julien Geffredo revient sur les faits. Selon les autorités turques, les assaillants arrivent à l'aéroport à bord de deux taxis. Les trois kamikazes ouvrent ensuite le feu à l'entrée de l'un des terminaux au niveau des départs. Ils tirent sur des gardes de sécurité, mais également sur des passagers. Plusieurs témoins évoquent notamment un homme qui tirait au hasard dans la foule. Les forces de sécurité répliquent alors, et on le voit sur une vidéo diffusée par la télévision turque. Elle montre un des assaillants blessé par un policier. Une fois au sol, il déclenche sa ceinture d'explosifs. Le deuxième puis le troisième kamikaze se font à leur tour exploser un par un. Il est environ 22h heure locale. Qui est à l'origine, on ne le sait pas formellement. Les assaillants n'ont pas été identifiés. L'attaque n'a pas été revendiquée. Mais le premier ministre turc Binali Yildirim arrivait sur les lieux, pointe dans une direction, l'État islamique. Mevcuttur tedavileri. Des indices trouvés par nos forces de sécurité indiquent que cette attaque a été menée par Daesh. Nous allons vérifier cela. Le mode opératoire rappelle en effet l'attentat de Zaventem le 22 mars dernier, revendiqué par le groupe terroriste. Et du côté des compagnies aériennes, les compagnies attendent des consignes des affaires étrangères. Leur offre des voyages n'a donc pas été modifiée pour le moment. Un vol Jetair à destination d'Antalya est d'ailleurs parti ce matin. Écoutez Florence Bruyère, la porte-parole de Jetair. Nous avons eu un vol ce matin à destination d'Antalya à la Riviera Turque. Il n'y a eu aucun souci. L'ensemble des passagers sont partis à heure à temps ce matin. Donc l'ensemble de notre offre aérienne et de vacances se trouve dans les stations balnéaires, principalement au bord de la mer Rouge, qui sont vraiment à l'opposé d'Istanbul. Évidemment, on suit les avis du ministère des Affaires étrangères. Dans ce cas-ci, il n'a pas été modifié. Il n'y a pas de mesures particulières, mis à part les consignes habituelles de ne pas se retrouver dans des mouvements de foule et haut, ce qui n'est pas du tout le cas dans ces stations balnéaires. Et notez que 5 touristes belges clients de Jetair se trouvent en ce moment à Istanbul. Ils devraient rentrer aujourd'hui. La compagnie ne sait pas encore si leur retour sera postposé. C'est le pesticide le plus utilisé dans le monde. Le glyphosate a donc reçu le feu vert de la Commission européenne. Oui, le glyphosate est autorisé à la vente pour 18 mois supplémentaires. Le glyphosate, on le retrouve par exemple dans le désherbant Roundup de Monsanto. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce pesticide divise. Il divise les experts. Certaines études le classent dans les cancérigènes probables. Il divise aussi les pays européens. Les États membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord. La Commission européenne a donc dû trancher, Sébastien Pierret. Et oui, et ça devenait urgent, puisque sans décision pour le 1er juillet, eh bien, le glyphosate aurait dû être retiré de tous les rayons de toutes les jardineries dans les 6 mois. La Commission a donc donné son feu vert hier, un feu vert très limité, 18 mois seulement. On est bien loin des 15 ans qui avaient été demandés initialement. En fait, cette prolongation de 18 mois, eh bien, c'est le temps nécessaire à l'Europe pour commander de nouvelles études scientifiques. Alors Sébastien, comment réagissent les associations ? Les associations de défense de l'environnement, on l'imagine, elles réagissent plutôt mal, elles ne sont pas ravies du tout. Muriel Depeau est responsable de la campagne agriculture chez Greenpeace et elle demande qu'une décision soit prise, mais au niveau national. Au niveau de la Belgique, on demande explicitement à ce qu'une interdiction de la vente aux particuliers soit instaurée, comme le prévoit la France qui, pour le 1er janvier 2019, n'aura plus de pesticides en vente pour les particuliers. Et cette demande, eh bien, ce n'est pas gagné puisque le gouvernement fédéral avait de son côté marqué son accord pour une prolongation du glyphosate en dépit de l'avis de la Wallonie et de la région bruxelloise qui était contre. Merci Sébastien Pierret avec Miguel Allou. Léopold Storm sortira-t-il de prison ? Le tribunal d'application des peines examine son dossier aujourd'hui. Oui, Léopold Storm a été condamné à 26 ans de prison pour le meurtre de ses parents et de sa sœur dans le magasin familial des Marolles à Bruxelles. Il a purgé le tiers de sa peine. 2 demandes de libération seront analysé lors d'une séance qui se tiendra à la prison de Nivelles, Françoise Barré. Léopold Storm a aujourd'hui 28 ans. Il a obtenu en prison un diplôme de sciences économiques appliquées. Il est considéré comme un prisonnier sans histoire. Il a aussi bénéficié de plusieurs congés pénitentiaires pour préparer sa réinsertion. Son avocat, qui ne souhaite pas entrer dans les détails avant l'audience, a précisé que 2 demandes ont en fait été introduites. Une libération sous surveillance électronique, Léopold Storm y aspire, mais il est aussi admissible à la libération conditionnelle sans surveillance électronique. Léopold Storm sait déjà où il sera logé, il désire se réinsérer diplôme en poche. Il avait été condamné à 26 ans de prison pour les meurtres de ses parents et de sa sœur dans le dépôt du magasin familial dans les Marolles. Les victimes avaient été tuées d'une 100aine de coups de couteau. Des traces du jeune homme avaient été trouvées, ses explications et ses différents récits avaient été jugés fantaisistes. Lui a toujours nié ses crimes. Le jury d'assises ne l'avait pas suivi. La décision du tribunal d'application des peines est attendue sous quinzaine. Nous allons maintenant dans le piétonnier de Bruxelles. 1 an aujourd'hui. 1 an sans voiture, de la place de Brouckère à la place Fontenaz dans le centre-ville. 1 an de polémique aussi, et ce n'est pas terminé. La ville, la région et le fédéral ont décidé de retirer le permis d'urbanisme pour les travaux d'aménagement de ce piétonnier, histoire de répondre aux inquiétudes soulevées par l'auditeur du Conseil d'État. Alors, ce retrait va-t-il retarder les travaux ? Écoutez la réponse d'Yvan Mailleur, le papa du piétonnier. Ce qui retarde, ce n'est pas notre travail. C'est le fait qu'il y a des recours qui ont été introduits et ces recours, bah, nous le savons évidemment, vont handicaper la bonne marche des travaux et bien entendu que ça aura du retard. Alors quelle partie de travaux pourrons-nous faire malgré tout dès maintenant ? Ça c'est une question évidemment qu'on continue à examiner avec les juristes parce qu'on est dans un petit imbroglio, mais bon, l'ambition est malgré tout de répondre aux objections relevées par l'auditeur du Conseil d'État qui considère notamment que le rapport qui a été fait par nous sur les incidences du piétonnier n'est pas complet. Donc on va compléter évidemment ce rapport. Ça ne sert à rien d'aller à l'affrontement à ce sujet avec les juristes du Conseil d'État. Il faut au contraire répondre à cette objection pour ensuite évidemment espérer obtenir la possibilité de poursuivre nos travaux. C'était Yvan Mailleur, le bourgmestre de la ville de Bruxelles. Il est interrogé par Bruno Schmitt. Attention les amateurs de fruits de mer, la saison des moules de Zélande s'ouvre aujourd'hui. Et elles sont en avance de 2 semaines. Elles sont aussi très charnues et d'excellente qualité, dit-on. Les producteurs devraient donc afficher un large sourire. Et pourtant, ce n'est pas le cas. En cause, une toxine découverte dans certains lieux de production. Ces endroits ont été fermés par mesure de précaution. Sébastien Joris était hier à Jerzeek, un village des Pays-Bas bien connu pour ses huîtres et pour ses moules. L'atmosphère sur place était un petit peu tendue. Reportage. Il y a toujours de la nervosité en début de saison. C'est Chris qui le concède. Un des rares marins qui a bien voulu confier son ressenti. Je weet nooit wat, echt wat de prijzen gaan doen. Selon Chris, deux raisons à cette tension. D'abord, à l'ouverture, même quand ça s'annonce bien, le marché de l'offre et de la demande peut réserver des surprises. Het is spannende tijd gewoon, eigenlijk. Et puis cette année en plus, il y a une toxine qui cause du stress. Dans le hall des ventes, près du port, Adi Risseux, de l'association des producteurs. Wat je natuurlijk wilt, is dat er alleen maar goed nieuws over mosselen. Il aurait préféré de meilleures nouvelles. En dat is dit natuurlijk. Pas de danger pour le consommateur, car les moules touchées ne seront pas commercialisées. Peu d'impact sur la quantité à offrir, car les lieux de production fermés ne sont pas nombreux. Mais ce que craignent les producteurs, ce sont des dégâts en termes d'image. Une grande partie du village est concernée de près ou de loin par la santé économique du secteur. C'était Sébastien Joris en Zélande avec Julien Bader. En province de Namur maintenant, après les oiseaux d'Hitchcock, eh bien voici les corbeaux de Sombref. Et oui, depuis plus de 6 ans, des centaines de corbeaux empoisonnent la vie d'un quartier du centre de Sombref. Les habitants demandent aux autorités de prendre des mesures et le problème est toutefois complexe. Les corbeaux freux sont une espèce protégée et en plus de ça, le parc où ils ont été et où ils ont élu domicile, pardon, ce parc se trouve sur un site de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a sans doute d'autres priorités. Jean-Claude Ennuy a recueilli le témoignage du docteur Jean-Paul Siméon, victime des croissements intempestifs. Il y a des problèmes de déjection, j'ai investi dans des panneaux solaires dont j'imagine aisément qu'ils sont souillés sans cesse. Je ne parlerai pas des voitures, je ne parlerai pas du charme du jardin quand tous ces oiseaux sont en train de vociférer. Et ça ne se limite pas à ça. Si l'on interroge des fermiers de la région, ils vous diront qu'ils viennent dans les silos. Des poulaillers qui sont visés aussi. Des poulaillers qui sont visés. Les poussins avaient disparu. J'ai des témoignages de gens qui me disent avoir vu des corbeaux attaquer des buses. Une série de corbeaux éloignaient la maman de lapin pendant que les autres allaient chercher les petits laproux. C'est donc une nuisance qui évolue depuis 10 ans, qui ne fait que s'accroître sans que rien ne bouge. Une interview de Jean-Claude Ennuy. A noté que la commune réunira riverains et acteurs concernés à la fin des vacances. 8h12 dans le 8-9 Sport, une absence remarquée à l'entraînement des Diables Rouges, c'est celle d'Eden Hazard. Oui, le capitaine ne s'est plus entraîné depuis dimanche et le match face à la Hongrie, de quoi laisser planer le doute sur son état de forme. Mais Mark Wilmots a tenu à rassurer tout le monde. Notre capitaine ne souffre que d'une légère contracture. Je l'ai laissé aux soins, il fait un travail à l'intérieur avec les kinés, ça évolue bien. Donc normalement, le jour avant le match, il devrait être là à 100%. Mark Wilmots au micro de notre envoyé spécial Thierry Duterte. Eden Hazard devrait donc s'entraîner demain. Thomas Vermaelen est lui aussi au repos, mais quoi de plus normal quand on connaît sa fragilité et qu'il est suspendu pour la rencontre de vendredi face au Pays de Galles. À Wimbledon, une belle histoire aujourd'hui sur les courts, celle de Marcus Willis. Alors son nom ne vous dit sans doute rien et c'est normal, il n'est que 772e joueur mondial et aujourd'hui Marcus Willis va affronter un certain Roger Federer. Une belle histoire que nous raconte notre envoyé spécial à Londres, Christine Anquet. Et oui, on peut être le 772e joueur du monde et malgré tout réussir à faire parler de soi dans un tournoi aussi important que celui-ci, à condition de gagner. Pas un match, mais 7. Marcus Willis a remporté 3 matchs de pré-qualification, 3 matchs de qualification et son premier tour. Pas mal pour quelqu'un qui ne gagne d'habitude ni match, ni argent. Depuis le début de l'année, il avait empoché $292 en tournoi. Des tout petits tournois, évidemment, c'est le lot d'un 772e mondial. Impossible donc de vivre grâce au tennis, à moins, et c'est son cas, d'avoir un job à côté. Il est prof de tennis pour monsieur et madame tout le monde, et qui le paye 35€ de l'heure dans un club anglais. On ne l'a pas encore précisé, mais sa victoire au premier tour lui a rapporté l'équivalent de 60 000 €. Pour lui, c'est énorme, mais l'addition devrait s'arrêter là. Roger Federer, c'est sans doute un petit peu trop fort pour un 772e joueur mondial. Et David Goffin affronte lui aussi le 186e joueur mondial aujourd'hui, le français Édouard Roger Vasselin. Mais David Goffin doit se méfier, le français est un excellent joueur de gazon. Puis au deuxième tour également de Wimbledon, Kirsten Flipkens défiera aujourd'hui la 9e joueuse mondiale. C'est l'américaine Madison Keys. Bon, je signale un mouvement de grève spontanée de la part de l'équipe du 8-9 qui n'est pas revenue. Il y en a un qui s'installe seulement. Qu'est-ce que vous disiez, Jérôme? Non, c'est parce qu'on... Mais tu sais, vous discutez avec les filles, non, les premières filles. Mais je vous en prie, non. Bravo, Frédéric, troisième fois dans le 8-9 et en retard déjà. Bravo. Déjà dissipé, désolé. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une belle demoiselle qui est passée, Sarah? On papotait, non, pas du tout. Il y a Yves Sainte qui est là et on papotait un petit peu avec lui. Ah oui, c'est notre invité pour 13. En fait, c'est sa faute. Tout à l'heure. Ah, bah. Ouais, c'est facile, hein, les invités. Ça, c'est une très bonne méthode. Toujours en accuser un autre. Voilà. Charger à mort l'invité. Voilà. Si c'est pas Stéphane Powells, c'est Yves Saint. Voilà. C'est comme ça dans ce pays. 8h15, voici un nouveau 8-9. RTBF Mobile Info, Stéphane. On n'est pas des pigeons. Vous non plus, on va s'entendre. Dès 11h, c'est en Vivacité. Et si on commençait par les bonnes nouvelles, avec la fin de cet accident sur le 313 en direction d'Anvers, vous n'êtes plus gêné à hauteur de Diepenbeek. Bonne nouvelle. Par contre, un accident à vous signaler sur le 42 Mons-Liège à hauteur de Timéon en voie centrale et bande de droite qui sont toutes deux neutralisées. Ça bouchonne pas mal en direction de Bruxelles. D'abord entre Barchon et Hirstal, mais là c'est plutôt réduit aujourd'hui. Par contre, juste à l'approche du tunnel de Reyers, c'est quasi à l'arrêt là-bas entre l'échangeur de Woluwe Saint-Etienne et Reyers. Donc évitez ce secteur si vous le pouvez parce que le minutage est en train d'exploser au niveau du temps d'attente. En venant de Namur, ça bouchonne de façon tout à fait habituelle entre Overijs et Léonard. Voilà pour vos conditions de circulation. À cette heure-ci, on sent l'impact de la fin de la période scolaire et tant mieux, on glisse vers l'été tout doucement. Un problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. Envie de vibrer où, quand et comme je veux? RTBF Ovio, le sport où, quand et comme je veux, c'est sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Viva, 8h, 9h, le 8-9. Ah, avant la crise, les pages de réclame étaient longues. Et puis il y a eu la crise et elle ne dure plus que 30 secondes. Et voilà. Ainsi va le monde et l'économie. Donc notre invité tout à l'heure. Sommes foutus. Complètement. Heureusement, nous allons nous plonger dans la bande dessinée tout à l'heure avec le nouvel épisode de la saga 13. Vous connaissez les aventures de Jason qui a perdu la mémoire. Le nouveau 13 s'appelle l'héritage de Jason McClane. Yves Sand, notre invité tout à l'heure, c'est le scénariste. J'essaie de vous faire le topo à ce stade et puis on ira plus loin tout à l'heure. Donc le gars, vous savez que Jason est un des descendants du Mayflower, ce bateau qui est venu avec des Anglais d'Angleterre vers les États-Unis. C'est les premiers Américains en quelque sorte. Il est descendant d'eux, mais il y a la fondation Mayflower qui veut le tuer. Il a maintenant des documents qui prouvent qu'il est héritier d'un des gars du bateau. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces documents? Vous me suivez, Sarah, ou pas? Oui, tout à fait, c'est passionnant. Et là, vous êtes menteuse, mais vous êtes gentille. Mais non. Et là, il se passe quelque chose. Quoi? Il faudra revenir tout à l'heure. Vous parlez des extraterrestres directement ou... Bien sûr. Bon, vous avez vu la soupe aux choux? Eh ben, ça finit comme ça, exactement comme ça. Et à un moment, il y a Michel Galabru qui arrive, qui dit à 13, oh, le Nord. Il y a quoi au cinéma de drôle, Frédéric? Il y a Camping, j'avoue, j'ai ri. Voilà, mais ne soyez pas triste. J'assume. Il est bien ou pas Franck Dubosc avec son maillot? Oui, il est bien et en plus il joue sur son âge et il porte toujours aussi bien le maillot, le petit maillot moulant. Donc voilà, non, c'est très bien. Ouais, c'est délicat, on en verra plein cet été à la plage des hommes à maillot moulant. Vous aimez Sarah? Pourquoi pas? Elle ne dit pas non. Ah ben on lui dira. Elle ne dit pas non. Mais surtout, c'est important, c'est qu'elle dise oui. Oui, mais. Parce que ça soutient. Ah, femme qui dit non, dit parfois oui ou pas, je n'en sais rien. Ou short américain ou sapin, voilà. On peut cactuser maintenant? Oui, bon, alors, hein, bon, alors cactusons. 8h19, le cactus, Jérôme. Alda Gréoli, qui est donc la nouvelle ministre de la Culture, a formulé une demande de prise en charge de son salaire au bureau du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, alors qu'il avait été acté, souvenez-vous de ça, qu'il ne coûterait pas un sou de plus à la Fédération. Mais oui, merci pour ce titre le plus long de l'histoire du cactus d'ailleurs. Bonjour à toutes et tous. Rundech Aldalemalen à l'inflation ministérielle. L'opposition dénonce bien sûr des coûts supplémentaires pour les contribuables alors que Bono Lugén et Rudy Demotte avaient assuré que l'opération serait neutre. Monsieur Lugén. Beaucoup de l'opération me paraît licite. La Fédération Wallonie-Bruxelles lui verse son salaire via un consortium COCOF-COCOMISSION installé dans la province du Luxembourg, hein, à Panamarlan. Elle rétrocédera ensuite aux deux tiers par deux vers mon compte personnel et aux six quarts, et aux six quarts restant selon la procédure René Tonneau. Oui, non, écoutez, monsieur Demotte, on veut juste savoir si ça va coûter plus cher aux contribuables. Hein. Poser la question, c'est déjà y répondre. Ah. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Nous allons le rembourser, et moi et toute ma famille de gauche au pouvoir en Wallonie, on s'y engage. Oui. Les remboursements véreux, c'est sérieux. Mais écoutez, vous pouvez pas supporter un salaire d'un ministre en plus, là. C'est pourquoi le PCDH a rivalisé d'ingéniosité pour payer Alda. La culture va mal, très mal, oui, certes, oui. Mais nous avons demandé à quelques artistes français de se mobiliser en faveur de Madame Gréoli afin d'organiser un gréoliton pour que le contribuable belge ne soit pas impacté. Et beaucoup ont répondu présent, d'ailleurs, ils sont là. Présentez-les-nous, vous servirez au moins une fois quelque chose sur cette chaîne populiste. Ah oui, c'est à moi que vous faites allusion. Bon, d'accord. Bon. Alors, je lis. Donc, pour Madame Gréoli, il faut du Grisby. Ah ben oui. Des artistes français se mobilisent pour Alda et font un état des lieux de la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec pour démarrer le charismatique Christophe Maé. Il est haut le pognon, il est haut. Oui. Il est haut. Là on racle le fond tout au fond. Tout au beau. Y a plus d'eau, toute galette, pauvre Alda. Pauvre Alda. La culture, c'est des dettes, pauvre Alda. Pauvre Alda. Alors, le poétique également et littéraire, Maître Gims. Maître Gims. Fauché comme jamais, fauché comme jamais, la faute à Milké. Fauché comme jamais, la culture c'est la fin. Culture c'est la fin. Bobo c'est Joël. Bobo c'est Joël. Hey. Le jovial et optimiste Vianney alors. Dieu, qu'il est loin. Le temps de la richesse. Il remettra demain. Les serments, les promesses, tu nous jurais, on t'avait cru, mais tu nous as trompés, tu as voulu plus que ton dû, mais y'a plus de sous, Alda, pauvre Alda, mais y'a plus de sous, Alda, ma pauvre Alda, mais y'a plus de sous, Alda. Pauvre Alda, mais y'a plus de sous. Mais y'a plus de sous. Alda, avec moi. Alda, y'a plus de sous. Alda, oui. Y'a plus de sous. Alda. C'est ça. Et enfin, le patrimoine de la caravane française. Kenji Girac, bien sûr. Hein. La culture cool. Partie là, nous a tout pompé. La mousse est cool. Plus personne n'a vu. L'enseignement cool. Plus un euro pour réformer. René Tonneau, cool. En poche Cayenne. Eh bien, voilà, merci beaucoup, monsieur Demotte. C'est déjà en vente, m'a-t-on dit. Hein. Qu'avez-vous récolté jusqu'à présent? Des insultes. Et cela nous apprendra à échanger deux ministres ordinaires contre une ministre ultra-ordinaire. C'est ce qu'on appelle jeter de la poudre aux yeux des électeurs. Oui, voilà. En même temps, si les ministres doivent commencer à demander les avances, ça va vraiment très très mal. Non. Merci pour le concert live, en plus avec Fabien Lecastel ce matin. Et donc Christophe Maé, franchement, on aurait dit le vrai, Fabien, parce que le vrai est venu la semaine dernière. Hein. Il est où? Il est plus là. Mais il est venu. Et je peux vous dire que toutes les filles dans le couloir sont venues aussi. Ah oui, elles étaient là. Elles étaient là. Les autres jours, on ne voit jamais personne. Mais ce jour-là, il y avait du monde. Cactus à revoir, évidemment, sur la page Facebook du 8-9. Elle est à votre disposition 24h sur 24. Vous laissez vos commentaires. Notez qu'il reste 3 jours de 8-9 en mode complet. Et puis, vous assisterez dès lundi au 8-9 en mode été avec quelques nouveautés, quelques nouveaux rendez-vous. Vous allez dire en mode incomplet. Mais vous n'avez pas osé. Il y avait un piège, c'est pas le mode dégradé, c'est en mode été à partir de lundi. Vous voulez jouer au Kikadi, inscrivez-vous dès maintenant au 3063 SMS, vous indiquez « Je veux jouer » avec ER à la fin, puis vous mettez votre nom, votre prénom, vos coordonnées complètes. On vous rappelle, il y a un cadeau à la clé et une citation compliquée à identifier. Ah, c'est de niveau 8-9. 8h24, Sarah, voici le Zap Télé avec télépro.be et l'été de Nikos. Oui, Nikos qui va bosser, il sera en direct avec sa nouvelle émission, mais que faire sur TF1 pour attirer l'audience en début de soirée? On le sait, Arthur, c'était le flop avec son 5 à 7, il est resté 2 semaines ou 3 semaines à l'antenne, et puis les audiences avaient vraiment chuté, on a enlevé le programme, et donc Nikos revient en direct avec le 19h Live, c'est un magazine en direct, donc 52 minutes, un magazine d'actualité positive, avec différents chroniqueur. On sera vraiment dans une newsroom apparemment, un petit peu comme, vous savez ce que c'est la newsroom, hein, c'est là où les journalistes concoctent les différents journaux. Et donc il y aura Nikos en maître de cérémonie, avec des chroniqueurs aussi, des journalistes, donc. Et il y a différentes catégories. Il y a les enquiquineurs, ça c'est un petit peu comme vous, Benjamin. Parce que les enquiquineurs, attendez, leur mission c'est d'apporter des réponses aux questions qui dérangent. C'est vous qui le dites, vous le faites à 10h45. C'est un plagiat. Mais si on les pose jamais, les gars, les questions qui dérangent, alors quoi? Benny Wiwism. Absolument, donc, c'est absolument un plagiat. Monsieur Nikos, venez à mon secours. Je suis fan de Benjamin Maréchal, évidemment. Ah, Monsieur Nikos, j'aime beaucoup la Grèce. On a les dénicheurs, on a les infiltrés, ça c'est un petit peu Julie Morel avec les lieux interdits, vous voyez, ouvrir les portes de lieux interdits. Et on a les enquêteurs people, alors là c'est pour vous Jérôme, par exemple. Entrer dans les soirées people et aux côtés des plus grandes stars. Mais vous me prenez pour un mondain. Mais vous en êtes. Mais pas du tout, enfin jamais, je ne me commets dans le les le mec rallies. Qui est au buffet jusqu'à la fin. Et vous avez plus, peut-être aller. Qui ne se nourrit que de ça. Que de ça, sinon il mange pas. Ça démarre le 11 juillet sur TF1 à partir de 19h, c'est le 19h live. Attends, il manque deux postes, donc Frédéric, vous seriez plutôt dénicheur, enquiquineur ou people? Oh, moi je veux bien people aussi et j'aiderai Jérôme à faire les doggy bags. Très bien, après. N'oubliez pas de ramener pour 6 hein, oui, quand voilà, vous allez non, dans je pense les soirées. Ok, donc il est dans les people. Simon Gérard, vous êtes dans quelle catégorie? Allez, moi je suis plus infiltré, comme Julie Morel. Ah, infiltré, ok. Et Sarah, vous avez pas dit pour vous? Moi j'aime dénicheur, non? Et au fin fond de dénicher des choses, j'aime bien. Vous savez ce qui marcherait bien, voilà le truc. Vous allez vers les hommes, vous les séduisez avec vos boucles cheveux au vent. Et là, quand le nigo croit qu'il va pouvoir poser ses lèvres, clac, question. Non, mais question. On parle d'infos positives et il ramène ça au sexe. C'est incroyable, vous êtes. Est-ce que j'ai dit que j'aurais aimé infiltrer Julie Morel? Je ne l'ai pas dit, donc. Mais enfin, avant ou après avoir raflé la dernière praline au buffet? Parce que y a. Ne ramenez pas tout à la nourriture, monsieur Maréchal. Si, parce qu'on m'a dit, que la soirée par image, qui est un événement mondain, s'est déroulée il y a quelques jours. Oui, je n'y étais pas. Ah, donc vous n'avez pas mangé? Non plus. Frédéric, non plus. Moi, j'y étais. Évidemment. Et vous êtes taxé au buffet? Ouais. Et c'était bon? Oui. Ok, elle n'a rien ramené. Mais il faut s'en aller quand il le faut. 5 secondes, ce n'est pas assez? Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Vivacité présente le 50e anniversaire de la Mesnie dimanche 3 juillet. Plongez au cœur du folklore lors d'un grand cortège avec aussi les Chinelles de Fosse-la-Ville, les Porets de Tilf, les Macrales de Gielsalm et bien d'autres surprises. En invité d'honneur, les Blancs Moussis. Rendez-vous à Malmedy ce dimanche 3 juillet. Info mesnie.be. Tout l'été, pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Garage Carrosserie L'Angela à Herve, distributeur officiel Renault, Dacia et véhicule utilitaire sur le plateau de Herve. Découvrez ce garage familial et professionnel et ses services sur Localizy. Le garage L'Angela, rue de Charnes 58 à Herve. Le commerce autrement, localizy.com. Localizy.com. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour le Diable Rouge. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Hé, hey, coucou, c'est moi, Julie, tu me reconnais plus ou quoi? Julie, oh mince alors, mais t'as... Bah ouais, j'ai perdu quelques kilos. Oh mince alors, comment t'as fait? Quelques kilos à perdre? Essayez Réductin. Il diminue votre appétit, votre envie de grignoter, brûle les graisses sédentaires et contrôle l'envie et la dépendance au sucre. Mince alors! Réductin, la minceur réinventée, en vente en pharmacie. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. décidez d'avancer. Vous avez un barbecue, un anniversaire, un mariage peut-être ? Eh bien, annulez ! Parce que c'est la semaine Quick Deals chez Citroën. Avec des primes de reprise, des options jusqu'à moitié prix et en plus du 24 au 30 juin, une extension de garantie à 4 ans sur nos véhicules de stock. Profitez vite des Quick Deals chez Citroën. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Et vous nous rappelez, Simon, l'actualité de ce mercredi. 36 morts, près de 150 blessés. Trois kamikazes se sont fait exploser à l'aéroport d'Istanbul en Turquie. L'attaque n'a pas été encore revendiquée, mais les autorités pointent déjà le groupe terroriste État islamique. La Commission européenne autorise la vente du glyphosate, le désherbant le plus utilisé dans le monde, pour 18 mois supplémentaires. Ça y est, elles sont aujourd'hui disponibles. Elles sont plus charnues que les années précédentes. La saison des moules de Zélande s'ouvre. À Wimbledon, deux Belges sur les cours. Aujourd'hui, David Goffin affronte le Français Edouard Roger Vasselin. Flip Kens affrontera Madison Keys, l'Américaine, 9e joueuse mondiale. Dis donc, j'en crois pas mes oreilles. Météo sèche ce matin et le retour ce matin de belles éclaircies. Je relis pour être sûr. Météo sèche ce matin, de belles éclaircies à partir du sud de la frontière française. Et 21 degrés de maxima. Ah, 8h30. Et on s'informe. Bonjour Fabien Magri. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. L'année scolaire est pratiquement terminée. Les écoles vont pouvoir profiter des 2 mois de congé pour rafraîchir un peu leurs locaux. Certains établissements vont même commencer leurs travaux en rénovant les sanitaires. Ils en ont souvent besoin. Des toilettes sales, vieillottes ou peu équipées, ça bloque les enfants au moment où se fait sentir un besoin pressant. C'est pourquoi plusieurs écoles ont rentré des projets auprès de la Fondation Roi-Baudouin dans le cadre de son opération Ne tournons pas autour du pot. En province de Liège, 8 établissements ont été retenus et vont recevoir de l'argent. Parmi eux, l'Athénée Royal de Soumagne, où la prof de maths Patricia Barduca a développé quelques idées pour notamment économiser l'eau. Ici, toilette garçon. Vous reconnaissez que vous n'êtes pas les plus mal lotis, n'empêche, c'est une préoccupation pour vous depuis de nombreuses années. Bien sûr, je pense que l'usage des toilettes dans une école est primordial. On doit pouvoir vraiment aller aux toilettes et boire de l'eau régulièrement sur une journée. Il faut absolument qu'on ait des verrous fiables à toutes les portes. Le nombre de filles qui disent « tu me tiens à la porte », c'est la santé des jeunes qui est appliquée. Je sais que beaucoup de filles se retiennent d'aller aux toilettes. C'est très mauvais pour la santé. C'est cela qui vous a incité à rentrer un projet auprès de la Fondation Roi-Baudouin ? Oui, ça, donc l'amélioration des sanitaires et aussi tous ces problèmes des fuites d'eau, des petites fuites d'eau, mais un peu partout. Première chose, c'est remplacer tous les robinets à tourner par des robinets poussoirs qui s'arrêteront automatiquement parce qu'on ne ferme pas convenablement les robinets. Ce sera, dans un deuxième temps, remplacer les vieilles chasses à chaînettes par des guéberies double touche, petite et grande consommation d'eau. Une interview réalisée par Martial Gillot. Ce projet de l'Athénée Royal de Soumagne prévoit aussi l'implication des élèves via un concours de dessin pour les élèves du premier degré et par ailleurs par des exercices de calcul de consommation d'eau au cours d'éducation par la technologie. Bientôt un nouveau directeur ou une nouvelle directrice, qui sait, pour le festival de théâtre de Spa. En tout cas, Anne Poncelet, un appel à candidature vient d'être publié. Et l'édition 2016 du festival aura bien lieu du 5 au 15 août prochain et ce sera la dernière édition pilotée par Cécile Van Snick. Elle était aux commandes du Festival Spadois depuis 1999 avec Armand Delcamp et elle avait clairement annoncé son départ. La publication de cet appel n'est donc pas vraiment une surprise. Les candidats ont jusqu'au 23 septembre pour développer un projet de programmation, un projet qui doit refléter le travail de la production de la Fédération Wallonie-Bruxelles et faire la part belle aux artistes et auteurs de chez nous. Rien de très neuf, cela reste vague donc, mais cela laisse beaucoup de possibilités. Mais on se souvient, Anne, qu'une menace pesait sur ce festival, menace financière notamment. Alors les subsides de la communauté française ont en effet été diminués de 5% en 2016. Les jours de programmation ont également été réduits ces dernières années. Et de plus, l'an dernier, le festival avait été épinglé par le Conseil d'art dramatique. Un rapport négatif qui plombait sérieusement la possibilité de négocier un nouveau contrat programme. Le climat semble désormais un peu plus serein. Et la négociation avec la ministre reste ouverte pour 2017. Pour l'instant, l'appel à projet ne définit pas d'enveloppe financière et de son côté la ville de Spa compte bien se battre pour conserver cet événement qui rythme son mois d'août depuis 1959. Le chef d'une bande de trafiquants de drogue écope de 5 ans de prison. 19 autres prévenus dans ce dossier ont également été condamnés pour leur participation à ce trafic. Le groupe écoulait de grandes quantités de cocaïne, de cannabis et de marijuana. La structure de vente était basée dans un snack à Serein. Le réseau avait des ramifications vers le Maroc et l'Italie. À partir de vendredi, les visites touristiques vont reprendre au Val-Saint-Lambert à Serein. Pour y parvenir, un an de travaux aura été nécessaire. Marquis de Seym, un parcours spectacle entièrement remis à neuf permettra de redécouvrir tout l'historique de ce site emblématique. Oui, cette découverte, eh bien, elle se fera notamment à bord de la nacelle d'une montgolfière. Et oui, le verre et le cristal seront évidemment les fils rouges de cette visite. Pierre Grévenier, administrateur délégué d'Imoval, la société immobilière du Val-Saint-Lambert. Nous avons entièrement refait tout le parcours touristique du Val-Saint-Lambert avec un parcours découverte sur l'histoire du verre et du cristal, avec un film mémoire du verrier, mais également avec un atelier du verre qui permet à la fois d'avoir des démonstrations de soufflage pour les touristes, mais également d'ouvrir le studio pour des artistes, des stages, des écoles qui veulent venir apprendre comment on fabrique le verre, le cristal, etc. Oui, tout cela, si on ose dire, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, car le projet de réhabilitation du Val-Saint-Lambert va bien au-delà. Paul-Émile Motard, président de la Fédération du Tourisme de la province de Liège. Le Val-Saint-Lambert, le château, va de nouveau redevenir un pôle touristique important. L'éco-parc va être installé dans les prochains mois et on espère tout le reste du projet du Crystal Park. Oui, l'éco-parc présenté comme un des plus grands parcs d'aventure en forêt d'Europe et le Crystal Park, plus de 100 hectares consacrés au logement, à l'hôtellerie, au commerce et aux bureaux, dont l'ouverture est prévue à l'horizon 2019. Merci Marc-Hilde Seym avec des interviews réalisées par Cathy Massard. Et c'est la fin des pages d'or. La société qui édite les célèbres bottins jaunes vient en tout cas de déposer le bilan. La société Trouveau est déclarée en faillite. C'est elle qui publiait cet annuaire consacré au commerce et aux entreprises. Trouveau emploie 530 personnes en Belgique, dont une petite centaine à Liège. Un curateur doit à présent être désigné. C'est vous qui le dites avec trois débats sur la table. D'abord, comme à Zaventem, hier, trois kamikazes attaquent l'aéroport d'Istanbul, tirent, se font exploser. 36 morts à la veille de l'été. Comment on peut stopper ça? Vous le direz tout à l'heure. Ensuite, le reportage qui met mal à l'aise. À Arlon, Aurore et son compagnon font leurs courses dans les poubelles et se nourrissent grâce à la nourriture des poubelles. Est-ce que ça peut être un mode de vie ou c'est la misère? Et puis l'entreprise Nestlé Anderlecht qui autorise le personnel à venir avec son chien au bureau. Est-ce que c'est sain de permettre à un chien de venir au travail? Marion Jomot, standard ouvert. Vous avez un avis sur un des trois sujets de ce matin et nous voulons le connaître. Alors téléphonez au 070 233 466 ou par SMS au 3063 50 par message. Le débat a déjà commencé sur la page Facebook, alors jetez-y un œil sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. RTBF Mobile Info, 8h36, on jette un dernier coup d'œil sur la circulation ce matin avant de rejoindre Perex. Et apparemment, quand je vous disais tout à l'heure qu'entre Barchon et Herstal, c'était moins soutenu que d'habitude, j'ai reçu un petit SMS de Pierre Laurent qui me dit « Pas du tout, ça bouchonne autant que d'habitude là-bas ». Donc prenez votre mal en patience, d'autant que plus loin, si vous devez rejoindre le centre-ville de Bruxelles par le tunnel Rayer, c'est plutôt galère, puisque la situation est quasi à l'arrêt là-bas entre Woluwe, Saint-Etienne et Vert, et qu'avant ça, il y a déjà des fils signalés aller entre Berthem et Woluwe. Donc faites gaffe si vous passez dans le coin à éviter le dernier tronçon de l'E40, si vous le pouvez. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. Il est 8h37. Cette semaine, Michel Polnareff est en exclusivité sur Vivacité. Avant son concert du 19 juillet au Francofolie de Spa, retrouvez Michel Polnareff chaque soir dès 17h dans le 5 à 7 et dès 19h dans le Tip Top. Michel Polnareff, cette semaine en exclusivité sur Vivacité. Gardez votre voix pour The Voice. The Voice revient, les auditions sont ouvertes. Inscrivez-vous et grande nouveauté, vous pourrez aussi inscrire un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/The Voice. Vivacité à Liège. En toute complicité. Sur 90.5 FM. De 8 à 9, le 8-9. Dans quel camp êtes-vous? Quel genre d'homme êtes-vous? Notre spécialiste cinéma, Frédéric, a donc ri en regardant Camping 3. J'ai eu peur de la question, moi. mais ça va. Oui, non, j'ai ri. Et avec plaisir. C'est un plaisir de retrouver Jackie Pic, Claude Brasseur et Patrick Chirac, Franck Dubosc. Vous avez vu le 1 et le 2, Sarah, de Camping? Le 2, pas le 1, c'est excellent. Jérôme? Non, j'ai vu aucun des deux. Non. Il faut le voir, ce film. J'ai vu une partie du 1, figurez-vous, et pas du tout le 2, donc vous nous direz si le 3 est bien tout à l'heure, Frédéric, dans les sorties cinéma de cette semaine. Notre invité ce matin est le scénariste Yves Sand, qui vient donc présenter ce matin les nouvelles aventures de 13. Le nouvel épisode s'appelle L'héritage de Jason McLean. Si vous regardez la une télé ce matin, vous allez voir qu'Yves Sand est habillé comme Tintin, avec le bleu. Bonjour. Bonjour. Comme le roi de Bale. Mais sans oui, houppette. Sans la houppette. C'est lui, moi. Mais c'est ça. Vous l'avez fait exprès de vous habiller comme Tintin? Vous êtes obligé? Non, je n'ai pas fait exprès. Okay. Alors, je vais essayer de résumer l'histoire parce que c'est très complexe, évidemment, de se plonger dans la suite des aventures de 13, qui est donc cet homme amnésique. Donc, Jason McLean. On sait maintenant qu'il est descendant des passagers du Mayflower, qui est donc ce bateau venu d'Angleterre avec les pionniers arrivés, les premiers arrivés aux États-Unis. Il est descendant de... Mais ça n'arrange pas la fondation Mayflower qui veut le buter depuis longtemps. Et donc Jason McLean a des documents maintenant qui prouvent qu'il va savoir dans cette série-ci ce qu'il y a dans ces documents. Que disent les documents venus du Mayflower, du bateau? Exactement. Donc c'est la fin d'un premier cycle. Bon, la série 13, c'est des histoires de complot assez complexes, comme on sait. Donc il faut plusieurs albums, plusieurs fois 46 planches pour installer et aller au bout d'une première sous-intrigue. Donc c'est le cas avec cet album. Et effectivement, Jason McLean, alias 13, découvre toute la vérité sur sa généalogie, qui gêne beaucoup de gens, parce que normalement, sa branche généalogique aurait dû disparaître depuis 1620, et non. Elle réapparaît avec lui et avec des documents très compromettants pour la branche qui avait survécu sur le Mayflower. Alors vous êtes venu pour celui-ci, on va déjà parler des suivants, parce que vous dites que celui-ci c'est la fin d'un cycle, on a bien compris l'histoire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de références historiques dans les précédents, et vous dites qu'à partir de maintenant, il y aura plus d'action, donc on va sortir de ce côté très historique, très replay de l'histoire. Disons que maintenant il a retrouvé tous les documents dont il a besoin pour agir, mais cette fondation Mayflower elle-même est prête à agir et à réaliser un grand complot que 13 va devoir déjouer, bien entendu. Alors va-t-il y arriver? On le saura dans l'album suivant. Pourquoi vous ne voulez plus le rendre actif? Parce que vous dites qu'il a mûri, on ne va plus le faire courir partout. Aujourd'hui, c'est devenu un homme, alors que dans la bande dessinée, il ne vieillit pas forcément. Mais ça veut dire quoi? On ne le fait plus courir partout? Vous voulez qu'il devienne un pépère? Non, pas du tout. Mais disons que le personnage a mûri en même temps que la série. La série a déjà 30 ans. Donc les lecteurs ont grandi avec nous. Et aujourd'hui, je crois que le lectorat de 13 est un lectorat sans doute un peu plus âgé, un peu plus mûr qu'il y a 30 ans, fatalement. Enfin, il y a toujours de nouveaux lecteurs, mais bon... Et donc, il fallait, je pense, que le personnage s'adapte à la moyenne d'âge de son lectorat, qui sont des gens de 35, 55 ans, je ne sais pas. Donc, il est moins chien fou qu'avant. Il est un peu moins chien fou, il est un peu plus raisonné. Il faut dire qu'il en a déjà pris tellement dans la figure qu'il commence à comprendre que... Pas prendre à l'infini. À 35-40 ans, on peut avoir envie de s'évader aussi, à travers la BD. C'est pas... Il ne doit pas être comme nous, forcément, le héros. Ah non, non, il n'est pas comme nous. En tout cas, je ne sais pas si vous avez le courage de suivre les aventures qu'il suit. T'inquiète, s'il t'arrive... On n'est pas musique, mais... S'il t'arrive, s'il arrive à Jason McLean, tu ne viens plus au 8-9 demain. Ça, j'aime autant te le dire. L'affaire va être... Non, il reste quand même très, très actif, je vous rassure. Ouf. Et un mot sur la rapidité, parce que si c'était dans un film, ça irait à une vitesse de dingue. Il y a une page, vous êtes à Amsterdam. L'autre page, vous êtes au Banichistan, à la frontière afghano-pakistanaise. L'autre page, vous êtes aux États-Unis. Il y a une vitesse de lieu et de voyage dans le truc qui est impressionnante. J'imagine inconsciemment, peut-être là, en bande dessinée, on essaye de s'adapter aussi à ce qui se fait au cinéma. Si vous regardez un James Bond aujourd'hui, d'une scène à l'autre, il traverse la planète en moins de 2 minutes. Donc, comme on a en plus qu'un seul album... tous les ans, puisqu'il faut bien le dessiner, que ça prend du temps, on est obligé de faire des histoires, et c'est le plaisir aussi de faire des histoires assez denses, où il se passe beaucoup de choses, et toutes les 2-3 pages, on change de lieu. Les dessinateurs, ce sont un peu des feignants. Ils ne suivent pas votre rythme. Mais oui, ils ne suivent pas votre rythme. Un par an. Mais bien sûr. Imagine qu'on fasse un 8-9 par an. mais il sera peut-être bon. On le fera bien. Voilà. Oui, mais si on en fait un qu'il n'est pas bon... Ah, alors là, bon. Ce qui est probable. N'empêche, comptez les dessins. 46 planches, 46 pages, plus ou moins, le nombre de dessins par page. c'est de la BD. Voilà, hein. Chaque dessin, c'est un petit tableau, il faut tracer la perspective, faire le décor, etc. C'est un boulot énorme, ça reste de l'artisanat. Ouais. Donc je comprends très bien que les dessinateurs mettent beaucoup de temps pour faire des travaux comme celui-là. Yuri Gigouzov, mais ils sont 60 maniaque. Quand même sur l'album. Hein. Donc je dis à un moment, il faut mettre une pression. Il est tout seul. On m'a dit que c'était tous des Chinois dans une cave et qui dessinaient. Je reviens deux secondes à ce Mayflower, donc ce bateau qui est venu d'Angleterre, qui est arrivé aux États-Unis. C'est vrai qu'il n'y a qu'un vrai récit biographique de ce qui s'est passé dans ce bateau. Il n'y en a qu'un seul. Tout à fait. Moi, j'aime mêler la grande histoire avec la fiction. Ouais. Et dans l'histoire de Mayflower, ce que je trouve fabuleux, donc c'est l'histoire mythique de ces premiers colons qui arrivent en 1620 à Cape Cod. Ils sont 102 sur le bateau. On connaît leur nom, on connaît tout. Si ce n'est que la seule source historique est les écrits de William Bradford, qui était le leader des puritains à l'époque, et qu'il a écrit ça 37 ans après. Je me dis, mais s'il a menti, tout est possible, puisque c'est la seule source historique qui existe. Et moi, je prétends qu'il a menti. Mais sur le vrai document, vous prétendez qu'il a menti, donc que cet ouvrage n'est pas valide. C'est-à-dire que l'ouvrage est valide en critique écrit, historique, c'est un véritable document, mais est-ce que le fond du document est vrai? Enfin, je sens que vous allez mettre en doute le suaire de Turin, bien sûr, mais bientôt, c'est hallucinant. Enfin. Est-ce que l'évangile, est-ce que l'évangile Yves Sand, selon Matthieu, est pour vous fiable? Ah, je ne me prononce pas là-dessus. Il ne se prononce pas, il ne répond pas quand même. Alors, l'épisode s'appelle « L'héritage de Jason McLean ». Un mot sur toutes les techniques, parce que vous avez beaucoup travaillé les techniques de mémoire avec des vrais psychiatres, et Jason McLean a été devant des vrais psychiatres qui ont appliqué des techniques très particulières pour retrouver la mémoire. Une technique scientifique existante où vous vous êtes dit « Waouh !» Voilà comment on travaille le cerveau pour retrouver la mémoire. Mais le cycle commence par une séance chez un psy de Jason McLean, puisqu'il cherche à retrouver sa mémoire, toujours. Et entre le début de la série créée par Jean Van Hamme et William Vance dans les années 80, et le moment où j'ai repris, la science avait fait des progrès, donc j'étais me renseigner. Effectivement, la technique des stimuli cérébraux par impulsion électrique existe. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup ces techniques pour travailler sur des maladies comme Alzheimer ou Parkinson ou autre. Et effectivement, en faisant des tests pour d'autres maladies, ils se sont rendus compte que certains des patients avaient des flashs de mémoire de la petite enfance qui revenaient, alors que consciemment, ils n'avaient aucun souvenir conscient donc de ces pans de leur passé. Or, d'autres personnes pouvaient prouver que ça leur était vraiment arrivé. Donc, ils se sont rendus compte, mais avec cette technique, effectivement, on peut faire revenir des bouts de mémoire. Donc, j'ai plongé, évidemment, sur l'info et je m'en suis servi pour permettre à 13 de retrouver de nouvelles bribes de son passé et de relancer l'intrigue. Eh bien, ne nous remerciez pas. Nous allons faire maintenant un sondage. Qui veut autour de cette table que Jason McLean retrouve un jour dans un épisode vraiment la mémoire et puis qu'il continue à castagner s'il veut, mais qu'il retrouve vraiment la mémoire? Qui veut? Ah ben, Jérôme. Je ne veux pas poser mon regard sur la suite de... Je vous demande un avis de lecteur. Voulez-vous qu'il retrouve la mémoire? Oui, non. Oui. Est-ce que McLean, ça a à voir avec Bruce Willis dans... Frédéric, est-ce que vous voulez qu'il retrouve la mémoire un jour? Ou ça vous va, ces errements? Peut-être pas complètement pour lui, parce que ça veut dire que les trucs honteux reviendraient à la surface aussi, et ce n'est peut-être pas une bonne idée. Ah oui, il a fait des trucs honteux, Jason McLean? Comme tout le monde. Ah, dans le premier cycle écrit par Jean Van Hamme, ce qu'il dit, quand il voit son premier psy, c'est « Vous avez été blessé la tête, c'est comme ça que vous avez perdu la mémoire, mais la blessure physique est guérie depuis longtemps. Si vous ne retrouvez pas la mémoire, c'est parce qu'un événement douloureux du passé devrait remonter. Donc votre subconscient vous empêche de vous en souvenir pour vous protéger. » Moi, je trouve que ce serait bien justement de boucler la boucle. Alors, pas tout de suite, mais quand même de savoir le fin fond de l'histoire, en fait. Voilà. Okay, bah, téléphonez-lui quand pour la fin. Mais pas donc, tout de suite. Voilà. Tout de suite. Mais quand ça à un moment donné, mercredi prochain. Oui, j'aime autant qu'on fasse plaisir, moi. Donc, l'héritage de Jason McLean, plongez-vous dans l'histoire sans crainte si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, parce qu'il y a un petit résumé bien utile avant de se lancer dans ce nouvel épisode. Merci d'être passé ce matin, Yves Saint. Merci à vous. La prochaine fois, vous viendrez déguisé en Gargamel? J'hésite. Il hésite. J'ai réfléchi. Ça, c'est tenue noire. C'est tenue noire. Là, il est en Tintin ce matin. Dans un instant, qui qu'a dit? Gym Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour en Espagne a pris spectaculaire. Vivacité, la une présente, le Vaux Rire, le Festival International du Rire de Liège, du 20 au 23 octobre. 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les Frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vauxrire.be. UEFA Euro 2016, plongé dans l'ambiance, avec Vivacité. vibrer avec les supporters. Retrouvez les dernières nouvelles des Diables, nos invités, nos analyses et surtout, vivez tous les matchs en direct. Jusqu'au 10 juillet, la rédaction des sports et l'équipe de Complètement Foot sont sur les routes de France pour vous faire vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec France.fr et voyage-sncf.com. Du lundi au vendredi, de 9h à 11h, Vivacité vous emmène visiter le monde. Enfilez vos lunettes solaires, la grande évasion revient en version estivale. Nous vous emmenons faire un tour de Corse avec Corsica Travel, spécialiste belge de l'île de Beauté. À gagner un circuit d'une semaine passant par Ajaccio, Corté, les villages perchés, les plages ou encore Bastia. Rendez-vous dès lundi entre 9h et 11h. La grande évasion avec Philippe Jauniaux et Sarah Viss. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Viva, viva, viva. 8h, 9h, le 8-9. Bon, Primo, nous sommes à Bièvre. Deuxio, c'est Bulle qui est en ligne. Salut Bulle. Salut. Vos parents vous ont appelé Bulle? Non, depuis que je suis tout petit, en fait, quand j'étais tout petit, je bourrais dans tout. Et alors, ça a été bulldozer, et puis depuis que je suis tout petit, c'est bulle, voilà. Bah, écoutez, c'est resté les bulles pour tout le monde. Les méfaits de la bière. Ah, ben ça, ouais. Vous avez un surnom, Frédéric? Oui, mais non. Non, mais bon. Je ne le dirai pas. Ah non, oui, ne le dites pas. Non. Vous avez un surnom, vous? Oui, mais uniquement en privé. Miss Tigris. Ouais. Vous avez un surnom, Sarah? Mon père m'appelait Mouche quand j'étais petite, je ne sais pas pourquoi. Ah, ben, ah si, peut-être parce que j'étais toujours la bouche. Vous les préférez Goutu ou... Ah, Mouche, pardon. Truc de fou. Mouche par la bulle. Bulle par la mouche. Bon, Bulle, vous êtes patron d'un établissement Horeca, quel genre? Brasserie, snack friterie à Bièvre. Vendredi soir, écran géant ou pas écran géant? Non, pas écran géant, écran télé, tout simplement. Écran petit, alors. Voici le Kikadi de ce matin. Il y a un cadeau à la clé, le cadeau est waouh. Vous imposerez un mot à Jean-Luc Funk dans la foulée pour le live de vendredi. Il est normal, Kikadi, il est normal que tout le monde ne vous aime pas. Si tout le monde m'aimait, je ferais 100% d'audience. Il est normal que tout le monde ne vous aime pas. Si tout le monde m'aimait, je ferais 100% d'audience. Trois mal-aimés. Qui qu'a dit? Stéphane Powels, premier mal-aimé. Samuel Etienne, deuxième mal-aimé. Ou Benjamin Maréchal, bel homme, mais parfois mal-aimé. Bel homme, mais totalement détesté. Ouais, Sarah ne joue pas, elle sait. Oh oui, je ne sais pas. Si, vous savez. Ça fait l'édition. Série. Frédéric, vous pensez à qui? Vous pensez à qui, Frédéric? Moi, je penserais à Stéphane Powels. Ok, ça irait bien. Jérôme, vous pensez à qui, vous? Alors, écoutez, ce sont trois brigands, hein, vraiment. Donc, ils sont tous les trois aussi détestables les uns avec les autres. Je pense à Samuel Etienne, alors, peut-être. Bulle, que dit Bièvre? Que dit Bièvre? Je pense que c'est Bulle. Powels. Vous pensez à Stéphane Powels? Oui, je pense, oui. Non. Question pour un champion, on l'a dit. Samuel Etienne. C'est Samuel Etienne qui ne se remet toujours pas de ses critiques post-Julien Lepers. Et au final, vous, Bulle, vous préférez lequel? Julien Lepers ou Samuel Etienne? Oh non, Samuel Etienne. Ah, il préfère Samuel Etienne. Quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc pour vendredi? Oh, bah, tout simplement, hamburger. Ah bah ça colle avec votre activité. L'hamburger est dedans. Bulle, bonne journée, à bientôt. Merci à vous. Salut Bubule. Je vais juste dire un petit mot à ma compagne qui travaille ce matin. Bisous. Bisous, je t'aime. Madame Bulle, ça c'est un nom quand même. Bon, dans un instant avec Mouche et tous les autres, et Frédéric, nous allons voir Camping 3. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/ovio et rtbf.be/sport. Enflammez le supporter qui est en vous. Vivacité et la 1 présentent Amadeus, la confrontation légendaire entre Mozart et Salieri. Amadeus, le grand spectacle d'été à l'abbaye de Villers-la-Ville. Réservation amadeus2016.be avec Audi Financial Services, Orez et Duvel. Vivacité vous invite à l'avant-première du film Tarzan en 3D. Une toute nouvelle aventure du roi de la jungle avec Margot Robbie, Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson et Christoph Waltz. Pour y assister le 5 juillet à Bruxelles ou Liège, 0905 56 472 57 par appel. Hola días, garagisto. Mi air condicionas es no funciona. Condicionas? El erco. Sí. Escasos. Ah, erco casos. Yo Miguel. Non, rien. On va se débrouiller. Vous partez bientôt en vacances? En ce moment, le réseau Volkswagen, Skoda, Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit pour des vacances sans souci. Conditions et concessionnaires participants sur checkupété.be. Krefel. Les soldes XXL dans les 75 magasins Krefel et sur krefel.be, ça commence vendredi. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Le 8-9. Et c'est la question d'une intérêt général. Et la voici. Quel panneau placeriez-vous devant le tunnel sous la Manche maintenant que le Brexit est acté? Jean-Marie Langlais propose « Bienvenue dans le trou du UK ». Mais je crois qu'à l'écrit, ça passait mieux, en fait. Oui, mais je vois ce que vous voulez dire. Loulou Godet, « Rendez-vous Angleterre inconnue ». Oh, ouais. Ça, c'est compréhensible à l'oral. Voilà. Là, et deux, trois que je n'ai pas osé citer, mais vous irez les. La cuic du jour. Les pubs sont agressives pour les paris sportifs. Quel serait votre slogan pour inciter les gens à parier sur la victoire des Diables à l'Euro? Eh bien, vous répondez sur la page Facebook du 8-9 à votre disposition avec courtoisie et humour. Vous répondez encore et je sens ensemble demain. Et puis si vous allez sur vivacité.be, la revue de presse comme chaque jour en vidéo, vous saurez tout de ce qu'il y a dans le journal. L'arrivée des moules de Zélande et puis ces entreprises où on peut venir avec son chien. Vous verrez que quelqu'un dans l'équipe compare les chiens aux enfants. Ainsi va la vie. 8h05, sacré Sarah. 8h55. La sphère privée doit rester privée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas privé, c'est sur une bande vidéo qui est sur vivacité. Votre enfant vous réclame sa gamelle. Il est gentil, le petit. Les animaux demandent autant d'attention et c'est pour ça que j'ai fait la comparaison. Mais vous avez raison. Et souvent, je donne une souris en plastique aux enfants. Et ils s'amusent. Bon, alors 8h55, nous allons au cinéma. Frédéric, notre spécialiste, Camping 3. Alors, Camping 3, on retourne au Flot Bleu. Pour la troisième fois, on retrouve Patrick Chirac, Franck Dubosc, Jackie Pic, Claude Brasseur. Alors l'histoire en gros, cette fois-ci, ils retournent tous au camping et Franck Dubosc, donc Patrick Chirac, il teste le covoiturage. Donc il emmène trois jeunes gens avec lui. Ah, les trois jeunes qui sont dans toutes les promos. Voilà, il y a Robert le Charmeur, Benji le Beau Gosse et José la Grande Gueule, on va dire ça comme ça. Et après avoir testé le covoiturage, évidemment, ils vont tester tout ce qui commence par co, hein, donc le co-couchage, le co-barbecue, le co-tout ce que vous voulez. Ah, l'idée est comique. L'idée est comique et ce qui est très comique, c'est qu'on joue sur l'âge des acteurs. C'est-à-dire Franck Dubosc, à l'âge qu'il a, il a quand même la soixantaine, tout doucement. Donc il a l'âge qu'il a, il le vit bien et il le joue bien. Claude Brasseur, lui, joue quelqu'un qui a l'Alzheimer. Le joue d'ailleurs tellement bien qu'on se demande s'il le joue finalement, mais bon. C'est les talents d'acteur, ça. Voilà, on va dire ça. Donc, mais bref, tout ça se passe très bien, c'est assez drôle. Il n'y a plus la surprise du premier, où évidemment, on ne s'y attendait pas, on ne l'avait pas vu venir, personne n'aurait mis un centime là-dessus. Ouais. C'est meilleur que le 1 et le 2 ? C'est tout aussi drôle que le 1. Le 2 est un petit peu en demi-teinte, ouais. Mais bon, voilà, il y a quand même 10 millions de gens qui ont vu les deux premiers, donc il y a quand même une fanbase, on va dire, relativement, ouais. Relativement conséquente. Dubosc dit lui-même que... il a fait ce film uniquement pour ceux qui ont aimé le premier. Bon, ils sont quand même 10 millions, donc il ne prend pas trop de risques sur ce coup-là. C'est clair. Donc, alors, il sort au bon moment aussi. Voilà. Bah oui, c'est pile avant les vacances. Bah ouais, pile poil. Alors dites-le clairement, j'aime camping, allez-y. J'aime camping. Voilà, plus fort. J'aime camping et j'assume. Plus fort. La chanson originale, donc, c'est Maître Gims. Maître Gims, ouais, qui fait ça, ouais. Bon, il est tendance, donc c'est un succès assuré. Je voudrais qu'on arrive assez vite aux Tortues Ninja, mais d'abord, La Tortue Rouge. Alors, il y a deux films de tortues, hein, cette semaine, donc voilà. La Tortue Rouge, c'est un dessin animé plutôt pour adultes, entre le conte zen et la fable écologique. C'est assez dit comme ça, c'est peut-être pas excitant, mais en fait, ça l'est. Ouais. C'est très joli. C'est l'histoire d'une tortue. C'est très bien fait. C'est l'histoire d'une tortue. Et de gens qui errent sur une plage, comme le dit l'affiche, et qui cherchent. Comme ça, c'est pas plus excitant. Non. Non. Trouvez autre chose, parce que là. Attends, on refait. Et s'il faut. 7 minutes. Oui, et s'il faut monter. Donc, la tortue rouge. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est un naufragé sur une île déserte qui rencontre des tortues, dont la fameuse tortue rouge. Ah, ça c'est excitant. Qui lui explique le sens de la vie, qui lui explique plein de choses qu'il ne savait pas sur lui, sur les autres. C'est assez poétique, c'est très zen, ouais. C'est très beau. C'est pour se calmer et je crois que pour le moment on en a besoin. Oui, vous avez c'est bien pour prendre raison. Un peu de hauteur, si vous je puis dire. Bien raison. Alors que pour moi, le seul film d'auteur valable de la semaine s'appelle Tortue Ninja numéro 2. C'est en dessin animé ou c'est en 3D? C'est en 3D. C'est-à-dire c'est en 3D, c'est des effets spéciaux, donc c'est pas un dessin animé, c'est des effets spéciaux. On voit les tortues comme... C'est l'image de synthèse. C'est l'image... Ah oui, c'est pas des vrais, hein. C'est pas des vrais, c'est l'image de synthèse, effectivement. donc voilà, là le pitch il est simple, les tortues doivent sauver le monde, donc le scénario tient à peu près sur la ficelle du string de Dubosc, hein, on va dire ça comme ça. Et c'est bien, vous avez pleuré, vous avez aimé, vous avez ri, non, c'était tendre. Écoutez, c'est tellement un copier-coller du premier que ça n'a rien de très excitant. En plus, les tortues sont... elles ne sont pas très bien faites, on dirait des crapauds en phase terminale. Vous avez l'image? Oui, ouais, je l'ai. Ouais, dans les Bronzés 2, le crapaud qui est rentré dans la bouteille. Alors elles sont un peu comme ça. On l'oublie. Voilà. Donnez-moi en 20 secondes 4 films événements qui vont sortir cet été, comme ça on prend un peu d'avance. 4. L'âge de glace, numéro 5. Ouais. Déjà, oui. Oui, oui, déjà, la reprise de Ghostbusters, qui est très bien. Ouais. Le nouveau film de Jason Bourne. Ouais, et Tarzan la semaine prochaine. Et Tarzan la semaine prochaine, c'est pas mal. Alors on fait avec cette semaine, j'ai que 10 euros. Camping 3, la tortue rouge ou les tortues ninja? Mais Camping 3 évidemment. Camping 3, j'ai 15 euros. Camping 3 et puis Camping 3 moitié. Ouais, ok, ça se tient. Si vous n'avez pas tout compris, parce qu'il faut le revoir hein, quand même. Oui, bah, y a une histoire. Voilà, c'est seul avec une histoire valable. C'était le 8-9 de ce mercredi. Vous avez un barbecue, un anniversaire, un mariage peut-être? Eh bien, annulé. Parce que c'est la semaine Quick Deals chez Citroën. Avec des primes de reprise, des options jusqu'à moitié prix et en plus du 24 au 30 juin, une extension de garantie à 4 ans sur nos véhicules de stock. Profitez vite des Quick Deals chez Citroën. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. On va voir, Denis, si on a un temps à la Camping 3, si on peut sortir le string à la Dubosc. Ah bah écoutez, on va encore le laisser un petit peu de côté pour peut-être l'arborer plus fièrement dans les prochains jours. Mais en tout cas, dans l'immédiat, eh bien, on va se contenter d'une journée aujourd'hui où il fera sec et où le soleil se montre déjà généreux, notamment sur le sud du pays. Des éclaircies qui vont gagner un petit peu toutes les régions. Cet après-midi, déjà au littoral, d'autres nuages reviennent, mais la pluie n'est attendue que dans le courant de la nuit prochaine. Donc on va passer cette journée au sec avec un vent modéré, 17 à 21 degrés pour les maxima. Et puis demain, eh bien, ce sera un changement de décor. On garde la même masse d'air, donc pour les températures, ça ne change pas. Par contre, ce sera beaucoup plus gris avec de la pluie ou de la bruine. Vendredi, on s'attend à des averses qui vont se multiplier au fil des heures. Et puis samedi et dimanche, moins d'averses, mais des températures aussi un peu plus fraîches. Écoutez Viva, il est 9h. La Turquie endeuillée par un nouvel attentat. Et la cible, cette fois, l'aéroport international d'Istanbul. 3 kamikazes ont semé la panique hier soir. Ils sont arrivés lourdement armés, ont tiré sur des passagers puis sur des policiers avant de faire exploser la charge qu'ils portaient sur eux. Bilan 36 morts et près de 150 blessés. Osman se trouvait dans le hall de l'aéroport. Biz de hepimiz yere yattık. Polisler bize yere yattık. Ondan sonra... J'étais en train d'emballer mes 3 valises quand j'ai entendu l'explosion. La police nous a dit de nous coucher. Le boîtier de la machine d'emballage nous protégeait des tirs. Ils ont tiré sur la police et la police a tiré sur eux. Quelqu'un à côté de nous a été abattu. Et puis nous avons vu la bombe exploser dans le scanner à rayon X. Toutes les personnes qui se trouvaient autour de nous sont mortes dans l'explosion. Et cette attaque n'a pas encore été revendiquée, mais elle porte l'empreinte du groupe terroriste État islamique, c'est ce que pensent les autorités turques. Cet attentat, c'est le 3e depuis le début de l'année dans la ville d'Istanbul. Il intervient à la veille des vacances d'été. Du côté des tours opérateurs belges, on ne change rien pour l'instant. Istanbul n'est pas vraiment une destination privilégiée des touristes belges qui préfèrent les plages du sud de la Turquie. Les agences de voyage attendent maintenant les recommandations du ministère des Affaires étrangères. On ignore également pour l'instant s'il y a des Belges parmi les victimes. En Belgique, chez nous, cette question autour de Léopold Storm. Va-t-il sortir de prison? Léopold Storm, c'est ce jeune homme condamné à 26 ans de prison pour le meurtre de ses parents et de sa sœur. C'était en 2007 dans le magasin familial situé dans les Marolles à Bruxelles. Ses avocats vont introduire aujourd'hui 2 demandes de libération devant le tribunal d'application des peines. Fabien Leveau est l'avocat de Léopold Storm. D'une part, une demande de surveillance électronique et d'autre part, une demande de libération conditionnelle. Le ministère public va faire état de son avis par rapport à ces 2 demandes. la direction de l'établissement pénitentiaire sera également entendue dans son avis. Et la défense que je suis, que je représente pour M. Léopold Storm, soutiendra effectivement ces deux demandes de libération, demandant un, une libération conditionnelle, et à titre subsidiaire,